Ce qui arrive, éventuellement, vous vous rentrez dans la conscience psychologique. Vous n'avez plus de problème psychologique, mais vous avez la vibration de la psychologie. Vous avez la vibration. Vous tombez dans la vibration. Il n'y a plus de forme. C'est pour ça que vous avez plus de problème psychologique, parce que vous voyez clair dans les formes psychologiques. Parce que là, vous êtes même dans la vibration. Ça y est, la vibration. Là, de temps en temps, la vibration est haute, puis là, ça marche. T'es bien, t'es dégagé. T'es quoi, reviens? Oh. T'es en gros engagé dans la vibration. Tu dégages la vibration, tu réengages dans la vibration, tu dégages la vibration. Puis ça dure jusqu'à temps que vous passez à conscience. Puis cette vibration-là, qui vous engage, qui vous dégage vibratoirement, non pas psychologiquement, mais vibratoirement, c'est ça qui vous empêche de passer directement de l'autre bord. Cette vibration-là, montrez, vous passez directement de l'autre bord en esprit. Alors, c'est ça qui vous tire en matière. Alors, si vous êtes trop dans cette vibration-là, mais là, à ce moment-là, vous êtes obligé de la descendre. Oui, c'est pour ça que je mange de la viande. Si je ferais trop dans cette vibration-là, je ne pourrais pas travailler, ça ne va pas être intéressé. Pour me descendre de la vibration, je m'astralise. Parce que je suis trop mental, je m'astralise. Je mange de la viande. Je bouille du coke. Je bouille du vin. Mais ça me tient juste en équilibre pour fonctionner. Mais il y a tout, c'était. Il y a un rendu quand vous êtes dans cette vibration-là, mais là, vous êtes bien calme. Vous êtes bien calme, cette vibration-là. La vie est supportable. Si vous n'avez pas de problème financier, là, vous avez un gros. Si vous avez les quatre éléments essentiels de la vie, la vie est supportable. Après, là, pas en fait. Mais toujours là, petite crasse. Tu ne peux pas sortir de la conscience quand tu es dans la conscience. Ça veut dire que tu ne peux pas sortir de la vibration de l'âme. C'est la vibration de l'âme, ça c'est Satan. Ça c'est l'âme. Sans ça, vous pouvez vous changer les plans. Ça marche, ça? Ça, je disais, tu peux pas être conscient avec deux. Quand je dis tu peux pas être conscient avec deux, tu peux être belle à ta peau. Elle est belle à sa peau. Elle n'est pas heureuse. Non, non. Vous ne serez jamais heureux sur le plan matériel. Vous serez pas malheureux. Vous serez bien dans votre peau. Mais vous ne vous pouvez pas être heureux parce que être heureux quand tu es conscient, c'est être dans un autre univers. C'est en harmonie avec l'univers actuel que tu es. Quand tu es conscient, c'est ta fenêtre, c'est pas en harmonie avec l'univers. C'est pas en harmonie. C'est ça, une caractéristique du plan physique ou c'est une caractéristique de l'époque actuelle sur le plan physique. Quoi? C'est-à-dire que là, sur le plan physique, c'est pas possible d'être heureux sur la planète Terre, mais plus tard, ça va être possible d'être heureux sur la planète Terre. Oui, parce que les conditions, les tailles de la Terre vont être changées. Les tailles de la planète vont être changées. Mais tant que les tailles de la planète n'est pas changée, tu peux pas. Fait que ça, je vous dis, il va venir un point dans vos vies, dans 10 ans, 15 ans, putain, je sais pas. Il va venir un point dans vos vies, vous allez être obligé de vous isoler. Parce que c'est hey, où tu t'isoles, que là, tu peux être réellement bien dans ta peau, parce que t'as pas tu ne vis pas avec personne. T'es tout seul chez vous, tu te lèves le matin, tu manges, tu fais tes affaires, papa. Écoute, tu te lèves le matin, tu fais tes affaires, t'es créatif, ta vie est toujours pleine 24 heures par jour, ça marche un petit peu. Tu peux pas aller à Montréal, tu peux pas aller à New York. Il y a tout l'inconscient. Fait que tu restes. Fait que tu t'arranges pour faire un petit espace matériel, là. Là, t'es bien. Mais aussitôt que tu sors de là, tu tombes dans l'inconscient. Tu sais, des vibrations au champ. Bon, on commence à expérimenter déjà. C'est ça que je dis. Tu peux pas être conscient d'être heureux. C'est une question d'être humain, en fait. C'est pas réciproque. Si t'étais tout le temps réciproque, là, ça marcherait, mais si tu rencontres quelqu'un, là, puis là, la vibration est plus réciproque, c'est non, ça que ça casse. Ça doit une tension. Tu t'en vas au coin des rues, puis il y a un gars qui te rentre dans une petite klaxonne dans les oreilles, ou qui sac après toi. Toi, tu veux t'aller dans le lendemain, lui, veut que t'ailles. Tu sais, t'as trop de tension. La police. Tu as tout ça à faire. On a l'impression qu'on ne vit pas justement dans ce temps-là. Plus ça va, plus ça va, plus tu veux rien savoir de la planète telle qu'elle est. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses ton terrain. Tu t'ajoutes une petite maison quand tu parles. Mais tu sais qu'on est heureux, par exemple, qu'on n'en plus à la vie ou aux gens de nous donner. On attend plus. On demande plus de lui donner, tu ne fais pas lui donner. On ne demande pas à un plan, mais tu ne vas pas lui donner. Ça, c'est quelque chose pour entrer. On va chercher ce qu'on a besoin. Le milieu familial, c'est le milieu astral par excellence. Le milieu familial, c'est le milieu astral par excellence, mais ça peut être le milieu mental par excellence aussi. Si ta famille, si toi et ta femme, tu ne peux pas parler des enfants, si les enfants sont dans un monde inconscient. Mais si toi et ta femme, vous êtes conscient, puis c'est le milieu mental par excellence. Moi, dans ma famille, c'est là que je vis mon état mental le plus. Moi et ma femme. La famille que tu penses, toi.